Rémi. Salut Charline. Bon, là, papa, on se donne du courage. Là. Oui. Mais je suis toute seule. Ma copine est partie. Ah, oui. Mais c'est l'affaire d'une semaine. Oui, ça, puis on va tous travailler plus. Bah ouais, pour gagner pareil, je suppose. Alors, écoute-moi, ça c'est un cas de force majeure. Hein. Ce sont les circonstances. On dirait Myriam El Khomri quand tu parles. Oui. Avec quoi, ah, tu profites des conditions pour changer la règle du travail. Ah, bah tu vois, tu viens de trouver le premier sujet. Ah bon? Ah, bah la loi travail. J'ai travaillé, mais sans m'en rendre compte. C'est ça. Et sur ton salaire, tu te rendras pas compte non plus de ton augmentation. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il n'y en aura pas. Allez, deuxième sujet. Bah, il y a Hollande qui voyage autour du monde. Ah, oui, voilà, c'est bien. Quoi, c'est pas bien ça? Si, mais justement. Mais c'est parce que je suis toute seule. Mais non, c'est très bien, oh là justement. Là, mais là, c'est, là, ton travail, il est bon, tu crois qu'il est mauvais? Oui, tu vois, mais là, ce sera l'inverse avec ton salaire. Tu vois. Ah bon? Bah oui, parce que tu crois qu'il est bon et en fait, il sera pas bon. Ouais, alors que je suis toute seule. Bah, ouais, voilà. Alors, on s'en fout. Sujet 3. Bon, dans le Parisien, il y a un article sur la répartie. Ah, bah c'est pour moi ça, j'ai une super répartie, moi. Très bien. On a les trois sujets, donc Guillaume, là, tu peux partir en reportage. Si je veux, d'abord. Ah, la répartie. Non, mais j'étais pas prêt, c'est pour ça. Pourtant, c'est le principe de la répartie, c'est dommage. Ah oui, la répartie, c'est tu travailles au moment où tu t'attends pas à travailler. Voilà, mais ça va être comme ça avec ton salaire, tu vas le toucher au moment où tu t'y attends pas. Ah ouais, voilà. Ah ouais, je vais le toucher au moment où j'ai... franchement, non. Ah bah, la répartie. Non, mais oh, c'est pas... Hey, oh. Non, ça me vient pas, là. Comme ton salaire. La France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui traverse tous les fuseaux horaires de l'actualité. Et voici les trois informations qui vont finir jetlaguées à 18h. Le code du travail est en train d'être assoupli. Pour les patrons, c'est à la soupline. Pour le travailleur, c'est à la vaseline. Alors les gens ne sont pas contents. Mais qu'est-ce qui leur prend? Ben, ils se plaignent, comme quoi ils sont exploités. Et c'est pas vrai? Si. Bon, mais c'est bizarre, parce qu'ils sont pas censés s'en rendre compte. François Hollande est parti dans la France des antipodes, à Tahiti, Wallis et Futuna, où l'accueil est nettement plus chaleureux. François, pense à nous, hein, parce que là, on est dans la merde. C'est les vacances pour la zone C, pour Paris. Donc, le journaliste parisien est en vacances. Donc, les sujets à la con fleurissent dans la presse. Aujourd'hui, une page sur comment briller sur les réseaux sociaux en apprenant la répartie. Alors déjà, il faudrait que l'interlocuteur la comprenne. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Quoi? Bon, un lion ne s'associe pas avec le cafard. Et je suis accompagnée, outre le rire de Juliette Arnoux, de celui qui a la crinière du lion et la gentillesse du koala angora. C'est Alex Vian. Bonjour Charline Vanhoenacker. Allez, parce que vous êtes gentil, j'ai une belle équipe à vous proposer aujourd'hui à 17h20. On ne sait pas si c'est un comédien qui joue au chroniqueur ou un chroniqueur qui joue au comédien. En tout cas, c'est un Hippolyte qui joue à être Girardot. Bonjour Hippolyte Girardot. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour tout le monde. De quoi on va parler? Eh bien, nous allons parler d'une série. Voilà. En lien avec notre invité, peut-être. Exactement. À 17h30, il s'est encore entraîné pour le championnat du monde de répartie et viendra nous les imposer en nous disant qu'il s'agit d'une chronique. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Moi, je me suis intéressé aujourd'hui à de dangereuses caissières d'un supermarché Casino menacées de licenciement pour vol. Non, on est toutes des mères de famille. On est loin d'être dangereuse. Ouais, moi je me suis déjà pris une tarte par ma mère, je veux dire, je me méfie quand même. Hein. Et à 17h40, elle nous parlera culture. La culture, c'est sa deuxième passion. Mais je vous cacherai sa première passion, car il se dit que l'abus de celle-ci nuit gravement à la santé. Bonjour Juliette Arnoux. Bonjour. On va aussi parler, peut-être. Je vais vous faire un inventaire du mur. Ah, en lien de avec, quoi le, avec la série de quelqu'un. De quelqu'un qui est le référent de la République aujourd'hui, qui préside cette émission. Et qui est né comme nous, Alex, sous Baudouin de Belgique. Vous réalisez un court-métrage intitulé « J'adore le cinéma » avec notamment Olivier Gourmet en 98. C'est l'année de création de l'association altermondialiste ATTAC. Vous sortez votre premier long-métrage intitulé « Stras » en 2001, l'année de la première Star Academy. Et vous réalisez « Au nom du fils » en 2012, quand le majordome du pape est arrêté, soupçonné d'avoir fait fuiter des documents. Et vous, vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes. Je suis Vincent Lanoux. Vincent Lanoux. Un match de plus sur France Inter. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes. j'annule tout. Et vous êtes le réalisateur de la série Trépalium qu'on a pu voir sur Arte. Oui. C'est de la promo à la belge. Il vient après la diffusion pour être sûr que vraiment il vient pas vendre. Et c'est ça qui est bon, camarade. Et alors, ce qui est agréable, c'est que non, mais alors c'est rare quand un réalisateur accepte de venir après. C'est... Et en plus, c'est chouette parce qu'il y a certainement pas mal de nos auditeurs qui ont pu la voir. Aha. Donc ça va d'autant plus leur parler. Tout à fait, qui peuvent encore la voir sur Arte rediff. Bien sûr, mais alors là, sur Arte plus 7, Arte plus 7. Y a, à partir du 4e épisode, donc on vous conseille plutôt le DVD si vous voulez comprendre depuis le premier. Ou la VOD aussi, voilà. Voilà, vidéo la demande. VOD. J'ai surtout envie de venir vous voir, de venir voir un coup avec vous. Je vous vois. Alors, ils s'en foutent de la promo. Allez, au sujet. Allez, super série. Hein. Alors, ça avec c'est, justement, c'est un sujet. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup dans cette émission. Alors, oui. On rappelle pour ceux qui n'auraient pas lu ou entendu, mais il faut vraiment avoir été coupé du monde pendant quelques temps pour ne pas avoir entendu parler de Trépalium. Il s'agit dans le synopsis, hein, c'est la société du futur qui est ultra-libérale, où le social est totalement éradiqué. Il y a 80% de chômeurs qui sont reclus derrière un mur qui protège 20% d'actifs. Donc c'est l'année prochaine en France, quoi, hein, c'est à peu près ça. Est-ce que c'est un peu ça J'oserais vraiment pas avancer, j'espère que non. On a fait la série aussi pour essayer d'éviter ça. Ah, alors justement, la série, elle montre une vision apocalyptique de la société. C'est vraiment, enfin, c'est horrible. Les 80% de chômeurs qui vivent dans ce qu'on appelle la zone, oui, dorment dehors, les femmes font des passes pour survivre, enfin, c'est ouais, un cauchemar. C'est ce qu'on appelle une série dystopique. Donc, l'idée, c'est de faire une série qui est l'inverse d'une utopie, et donc de montrer ce qui risque de se passer si on pousse les curseurs. Alors, est-ce que c'est, vous pensez, évidemment, il y a un message là-dessus, on joue à se faire peur pour dire n'arrivons pas jusque-là, ouais. Mais est-ce que vous êtes aussi à un moment où vous avez douté en vous disant, on montre ce qui fait très très peur, mais si on montrait plutôt justement l'utopie et qu'on donnait envie à tout le monde d'aller vers cette utopie, est-ce que c'est pas aussi constructif ou ça n'a pas d'intérêt? Mais il y a déjà les chansons d'Yves Duteil pour ça. On le salue, Yves. Je prends un exemple, plutôt que de montrer par exemple une ville avec des embouteillages apocalyptiques et faire peur, montrer les bienfaits d'une ville sans voiture, ça suscite l'envie aussi d'un monde meilleur. Pourquoi ne pas réaliser les bisounours en fait? C'est la question. Mais non, non, vous caricaturez. Oh là là. Moi caricaturer. C'est une vraie question, j'ai envie d'avoir la réponse. Mais oui. Et ben je pense vraiment que c'est plus intéressant de s'interroger sur ce qui risque d'arriver de manière négative, parce que si on imagine un monde formidable, c'est très bien, mais alors déjà en termes de dramaturgie, c'est pas si ciné-génique. Et puis voilà, comme c'était aussi, c'est le drame, c'est le drame qui est télégénique. En fait. Et je pense qu'il faut, si on veut que les gens réfléchissent, il faut pas leur rappeler que tout va bien. Il faut leur demander. Non, mais justement, tout ne va pas bien. Et si on montrait un monde, et si on cherchait des solutions, et si on arrêtait de réfléchir. Vraiment, l'idée, c'est de dire... Ah ouais, donc pour vous, c'est vraiment arrêter de réfléchir que de proposer un monde idéal à l'écran. Eh, ben, je suis pas sûr. Pas depuis que je suis là. Pas ça suscite pas l'envie pas d'y arriver, vous. Une utopie, quoi. Il y a une vraie utopie sur ce plateau. Ah. C'est un vrai plaisir. On essaye de créer, hein, pendant une heure tous les jours. Non, mais franchement, si François Hollande et le reste de la droite pouvaient regarder Trépalium et apprendre des choses, ce serait super. Ouais, ouais, ouais. Alors, on va avoir l'occasion d'en parler, parce qu'on a choisi des sujets qui sont en lien avec Trépalium. En attendant, une autre question. C'est un peu le nouvel esclavagisme, ce qu'on voit dans Trépalium, les 80% de chômeurs dans la zone, mais un esclavagisme sans travail. Parce que est-ce que c'est pire ou pas que les champs de coton? Oui, bah, c'est donc c'est des gens qui n'ont pas de travail, qui sont rejetés à l'extérieur de ce mur, qui n'ont rien, qui doivent se débrouiller. Il y a une bonne partie des gens qui sont dans ce cas-là aujourd'hui. Mm-hmm. On s'attendait pas d'ailleurs quand on tournait Trépalium, qu'il y en aurait de plus en plus et qu'il y en aurait autant aussi rapidement. Vous des murs sur la courbe du chômage qui s'inversait, vous aussi. Non, mais entre le début du projet et sa réalisation, sa diffusion à l'écran, il y a eu une aggravation. Mais surtout exponentielle et extrêmement rapide. C'est ce qui est terrifiant. Même entre la fin du tournage et aujourd'hui, c'est très rapide. Ouais, ça va extrêmement vite. Mais est-ce que la question, on peut pas se poser la question de savoir est-ce que c'est pas nécessaire pour qu'il y en ait qui vivent bien, pour que la société fonctionne, qu'il y ait beaucoup de chômeurs? Au contraire, à différence de penser une utopie comme ça, au contraire, se dire voilà, c'est très utopique cette société, mais c'est même encourageant, c'est-à-dire ça fonctionne. Oui, totalement, mais il faut à condition de mettre des grillages et de se protéger des pauvres. Exactement. Ouais. très pallium parce que Vincent Lanneau est avec nous. C'est le réalisateur de la série qui est désormais disponible en DVD depuis le 3 février ou en vidéo à la demande sur Arte. Et on va en reparler après la musique. Ah oui. Ouais! Y a pas les paroles. Juliette Arnaud, vous adorez cette chanson, mais je l'aime tellement. En yaourt, autant que vous l'avez. Yeah. Sincere, delivered, I'm yours. Tu vois. Here encore. Great. Encore. On a beaucoup d'auditeurs, perdons-en. Chantez seulement. Sincere, delivered. Voilà. Yes, Stevie Wonder et Juliette Arnaud, Saint-Cyl Delivered, I'm yours sur duo. France Inter. C'est leur dernier duo. Quelle ambiance. Nous sommes avec Vincent Lanneau, qui est le réalisateur de la série Trépalium que vous avez pu voir sur Arte, qui est désormais disponible en DVD ou en VOD. Et autour de cette table, Alex. Eh bien, il y a Guillaume Meurice, il y a Juliette Arnaud, qu'on entend beaucoup trop, et il y a Hippolyte Girardot. Allez, la rédaction met tous ses moyens au service de l'information. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. And we begin with the titles. The titles. François Hollande réalise le plus long voyage de son quinquennat. Il a commencé par Papette, où le maire a demandé au SDF de libérer le centre-ville pour que Hollande ne les croise pas. Et c'est vrai qu'en tant que Parisien, c'est extrêmement choquant comme ça de voir des SDF. Nicolas Sarkozy a déclaré avoir signé ses comptes de campagne sans les avoir vraiment lus. Ouais. Les comptes de Sarkozy, c'est donc un petit peu comme le livre de Marc Lévy. Et il y aura des brefs et un même ivre, virgule. Ouais. Youhou. On commence donc par le déplacement présidentiel. Aujourd'hui, les voyages François vous proposent les merveilles de la Polynésie, Tahiti, mais aussi Wallis et Futuna. Le tout en une journée, votre collier de fleurs ridicule n'aura même pas le temps de faner. Les voyages François, les seuls voyages où les autochtones sont plus heureux de vous voir que vous d'y aller. Quel beau périple en tout cas. Il y en aura pour toute la semaine et nous avons envoyé sur place donc un reporter qui suivra ce voyage. Comment ça se passe là-bas? Eh bien écoutez Alex, on est parti pour 45 000 km en tout. Il parcourra en une semaine en avion la même distance qu'il a parcouru en 4 ans en scooter. Très bien. 45 000 km une semaine, quelques mois après la COP21, c'est un peu surprenant, non? Écoutez Alex, le plus surprenant, c'est qu'en effectuant ce voyage, François Hollande aura tenu une promesse de campagne et on n'en revient pas. C'est vrai que c'est beau. Et ce matin, vous étiez donc à Tahiti. Oui, tout à fait. Le programme était chargé. 6h35, dépôt de gerbes sur la tombe de Puvana Aupa au cimetière de Papété. Oui. 7h, dépôt de gerbes au monument aux morts de Papété. Oui. 7h45, visite du marché de Papété. Oui, sans doute aussi une petite gerbe, hein, après. Et c'est le premier président à se rendre donc sur cette petite île de Futuna. Oui, oui, oui. Pourtant, il y a des plages et des nanas, mais ni Chirac ni Sarkozy n'y étaient allés. Ah, voilà. Et les suites du voyage, donc Ah, ben à demain, Alex, depuis le Pérou. Depuis le Pérou, à demain. Et revenons à l'actualité en métropole. Oui, avec la réforme du travail, hein, plusieurs ministres émettent des réserves. Marisol Touraine, ouais. Jean-Marc Ayrault et Ségolène Royal ont émis des réserves sur la loi El Khomri. Ils devraient tous trois avoir droit à un recadrement. Recadrage même de la part de Manuel Valls. Ouais, j'ai émis des guillemets parce que je ne savais pas. Je vous confirme que c'est un recadrage de la part de Manuel Valls. Manuel Valls passe tellement de temps à recadrer qu'après son mandat, il va être engagé à la restauration des tableaux au Louvre. À droite à présent, Sarkozy et le procès des comptes de campagne. Oui, hein, Sarkozy se demande où est passé l'argent lui-même car il a signé ses comptes de campagne. Mais selon lui, la signature engage sa responsabilité administrative mais pas sa responsabilité pénale. Ah oui, bah donc c'est le complément de Thomas Thévenoud qui avait une phobie administrative, ça, alors que Sarkozy, lui, ce serait plutôt une phobie pénale. C'est ça. Mais donc, vous, chez vous, faites comme Sarkozy. La prochaine fois que vous grillez un feu rouge, dites que ça engage votre responsabilité chromatique, pas votre responsabilité de conducteur. Et si vous trompez votre conjoint, c'est donc la responsabilité sexuelle qui est en cause, pas du tout la responsabilité conjugale. Ah, santé à présent. L'association de défense des consommateurs UFC Que Choisir considère comme nuisibles certains dentifrices et certaines crèmes contre les vergetures. Voilà, et ce qui est nuisible surtout, c'est lorsqu'on confond les deux tubes. Précise le rapport. Voilà. Télévision à présent. Il y en a qui ont visualisé. Tout le monde s'en fout un petit peu, mais c'est le retour du Mad Mag sur Energy 12 présenté par Ayem Nour. Voilà. Oui, je vous confirme, tout le monde s'en fout. Oui, on s'en fout, mais pour l'annoncer, une vidéo circule avec des people qui s'en réjouissent. Des footballeurs, des chanteurs de R&B, des gens de la télé-réalité et une figure politique. Attention, quiz, qui va nous la trouver ? Mad Mag. Bonne réponse de Juliette Arnault. Mais non. Isabelle Balkany. Qui se connaît en Levallois. Entre tous les footballeurs et tous les chanteurs. Oh là là, attention, barre du courrier. Donc voilà, on sait ce qu'elle fera tous les jours. Mad Mag sur Énergie 12 avec Isabelle Balkany, les jeunes. Allez-y, ne lâchez rien. On termine par des brèves. Oui, c'est vous. Ah bon, oui. États-Unis, 2 points. Un chauffeur Uber suspecté d'avoir tué 6 personnes. Voilà, les chauffeurs de taxi s'emparent de l'affaire, sont tous fâchés, sauf Samy Nasseri qui lui critique la concurrence déloyale d'Uber en termes de violence. Une petite dernière. Oui, Brest, ivre, le cambrioleur trébuche sur un accordéon. Eh ben, il s'est fait repérer. Vive la France. Vous êtes sur France Inter. C'est ballon. Nous sommes en compagnie de Vincent Lanneau, le réalisateur de la série Trépalium, qui nous accompagne jusqu'à 18h. Et on va aborder avec vous le premier sujet. La loi travail, la loi El Khomri, ah oui, a un avantage. C'est que le code du travail va devenir tellement souple que quand on va se le prendre sur la tronche, ça fera moins mal. Voilà. Quant aux patrons, ils ont déjà commencé à l'appliquer et à se répartir les bifetons. 250 pour Bob. Combien pour James ? 295 livres. C'est très bien, mon gars. C'est très bien. 182 livres pour Platt. Combien de livres un nègre moyen peut ramasser par jour ? Environ 200 livres. Ce nègre n'est même pas moyen. 512 livres pour Patty. 512 livres ! Vous n'avez pas honte de laisser Patty ramasser plus que vous, messieurs ? Pierre Gattaz est tout jouasse. Un extrait de 12 Years a Slave. Alors, la fameuse loi, l'avant-projet de loi El Khomri, attention, avant-projet de loi, on y est presque, pas mais pas encore. Hein, voilà. Alors, par exemple, avant, il était possible de faire travailler un peu plus les salariés pour le même salaire, afin de sauver l'entreprise. C'est ce qu'on dit en cas de difficulté conjoncturelle, où là, déjà, on avait passé un cap. C'est la flexibilité. Voilà, la flexi-sécurité. Et avec la loi El Khomri, on pourra moduler les salaires et les heures pour conquérir de nouveaux marchés. C'est-à-dire, si l'entreprise est offensive et veut gagner de nouveaux marchés, là aussi, maintenant... Gagner le marché chinois. Offensive, voilà. Exactement. Est-ce que c'est comme ça qu'on en arrive un jour à Trépalium? Mais c'est exactement le même chemin. Ouais. Ça a l'air d'être le bon chemin, en tout cas. Mm-hmm. Ils ont l'air d'avoir vu la série. Sur ah oui, ils ont tout... ah, je pensais qu'ils le comprendraient autrement, mais c'est vrai qu'ils vont vers ce chemin-là. C'est formidable. Moi, ce que je me demande, c'est que le prochain gouvernement, qui sera de droite, je me demande ce qu'il va pouvoir faire. De pire. Mais pas de pire, mais on leur a tout fait pour eux, quoi. Ouais. Bah comme ça, ils travailleront mieux quand ils y seront. Ah bah oui. Bah ouais, c'est peut-être là qu'on va avancer, peut-être pas dans le bon sens, mais on va avancer. Quand on a reçu Kadmerad, il nous disait qu'il avait une projection avec Manuel Valls de Baron Noir pour qu'il voit un peu comment ça se présente. Est-ce que vous avez eu l'occasion, avec Myriam El Khomri, de lui montrer Trépalium ou à d'autres personnalités politiques? Je ne suis pas certain qu'elle l'ait vu, mais je ne suis pas certain qu'elle ne l'ait pas vu. Voilà. Alors là, c'est plus mystère. Difficile pour eux de s'identifier, parce qu'on est tellement, le curseur va tellement loin dans Trépalium, que s'identifier à la première ministre, ou au ministre du Travail qui s'est fait enlever dans la zone et couper deux doigts, c'est peut-être plus difficile de s'identifier. Oui, là, c'est vrai qu'on a un rapport au pouvoir qui est plus, qui est plus établi, qui est... Bon, ça reste une démocratie, hein, donc elle surveille quand même ses sondages de popularité et tout ça, non? Dans la série, mais c'est vrai qu'on n'est pas encore là totalement. Non. Alors, peut-être qu'en avril 2012, avant l'élection présidentielle, une Myriam El Khomri ou même un François Hollande, ils auraient défilé dans la rue contre la loi qui est en train de passer, non? Parler ça, des gens qui n'aimaient pas les riches et les financiers, oui, ça peut-être. Ça dit quoi de l'accès au pouvoir, et toujours au travers peut-être de la réflexion que vous avez eue pour cette série? Une fois qu'on accède au pouvoir. Ah, mais ça, c'est une certitude. En France, le pouvoir rend fou. Je ne sais pas ailleurs. Et vous voulez dire, par exemple, vous qui êtes belge, vous trouvez qu'il y a une différence, qu'on devient plus vite perché? Vous voulez vraiment que je vous parle de notre roi? Je sais pas, est-ce que vous pouvez en parler vous-même. Non, c'est une question. Est-ce que vous trouvez que. Enfin, de tels reniements, une forme de trahison de la gauche qui a voté? Nous, on a élu. Enfin, là, il y a un gouvernement et dont la droite a fait a pactisé avec la droite nationaliste, qu'on n'appelle pas extrême droite chez nous. Donc là aussi, il y a une forme de trahison. En reniant totalement ses promesses de campagne. Ouais. Ouais, c'est pareil. Ah, oui. Voilà. Bah, l'idée, c'est la séduction et le pouvoir. C'est pas. Ce c'est qui pas vous les intéressait en tant qu'artiste, c'était d'imaginer les gens plus tard ou d'imaginer cette relation politique plus tard. Non, par rapport à la série et par rapport à ce que je fais, non, l'idée c'est d'imaginer ce que les gens ont en eux, ce que les systèmes ont en eux, et de poser des questions par rapport à ces systèmes. Moi je suis pas là pour apporter des réponses, je suis ni économiste, ni et les auteurs non plus. D'habitude, les invités amènent pas mal de réponses. Cela dit, dans la série, quand même, à la fin, il y en a qui se... Il y en a qui se révoltent quand même. Dans votre scénario, il y en a qui se révoltent à la fin. Oui, il y a ça. Ça va raconter la fin. Bah oui, je connais la fin. Allez-y. J'ai dit révolte. C'est pas grand-chose. Excuse-moi. Justement, Hippolyte Girardot. Ah, excuse-moi, Guillaume. Justement. Il connaît rien aux séries, Guillaume, ou quoi? Maintenant que vous avez pris le micro, mais je vais garder. Gardez-le et votre chronique démarre. Je vais le garder. Je vais pas bouger. Voilà, je le tiens. Maintenant, terminé. On va couper tous les autres d'ailleurs. Parce que moi, je voulais vous parler de Trépalium. Vous en parlez déjà beaucoup, mais voilà, c'est une série très crédible, totalement crédible, absolument réaliste et définitivement déprimante. Faut le savoir quand même. Et soi-disant, c'est vendu par Arte comme une série d'anticipation. Non mais je rigole tout seul. Et alors, par exemple, ils conduisent des Simca 1000. Mais les Simca 1000 sont électriques. Alors évidemment, c'est l'anticipation ça. Ils mangent une sorte de mayonnaise blanche, mais ils mangent que ça. Voilà. Et leur téléphone, c'est comme des petites cartes de crédit transparentes, tu vois. Mais on n'est pas dupes. Hein. On n'est pas dupes, monsieur Lannou, on n'est pas dupes. On voit bien que c'est pour faire déguiser, parce qu'en fait, Trépalium, c'est un documentaire. Alors, on voit bien que ça parle de nous aujourd'hui, du sujet majeur. On voit bien aujourd'hui le travail et son corollaire, obligatoire, nécessaire, fondamental, on n'en parle pas assez, le chômage. Parce que dans Trépalium, l'idée, c'est t'en as ou t'en as pas. On parle bien du boulot. Ça, c'est le futur. Non, mais tu rigoles, tous les jours, c'est tu travailles, moi je travaille pas, etc. Ou bien... On n'a pas de travail et on a peur de jamais en avoir, ou bien on en a et on a peur de plus l'avoir. Et le mec qui en a pas, on l'évite, hein, parce que c'est contagieux. C'est genre Zika, la progression du chômage, faut le savoir. Parce que, bon, dans la série Trépalium, le mec qui bosse pas, c'est pas qu'on l'évite pas, c'est qu'on le jette par-dessus un mur. Voilà. C'est comme ça, parce que visuellement, c'est beaucoup mieux un mec qui vole par-dessus un mur, c'est beaucoup plus cinématographique. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais en fait, c'est pareil. Trépalium, c'est un documentaire contemporain. Non, monsieur. C'est pas ça l'anticipation. Je sais pas. Bon, enfin, je me lance. Hein. Ça aurait été, par exemple, d'imaginer un ministère du travail. C'est génial comme idée, non? Un ministère du travail. Bon, je sais, ça fait rire au début. On dit, faut pas pousser quand même, Hippolyte. Hein? Et puis ensuite, on serait dit, pourquoi pas? C'est une série réalisée par un Belge. Alors évidemment, tout est possible, évidemment. Alors on aurait dit, par exemple, un ministre du travail, mais plutôt, par exemple, de gauche. Voilà, un ministère du travail socialiste. Ouais. J'invente, j'improvise, ok. Je suis pas sûr de tout à fait de mon coup. Bon, enfin, c'est ça l'idée. Et puis alors, on aurait dit que le ministre, non, mieux. On aurait dit la ministre, une femme. Parce que ça passe mieux, c'est plus intéressant, n'est-ce pas? Alors, on aurait dit, la ministre, elle va réformer les règles du travail. Ok, ok, c'est pas très original, mais attends, attends. Les règles, elles les changent, mais surprise. Non, elle dit, moi, ministre du travail d'un gouvernement de gauche, je vais faire plaisir au patron. C'est pas un bon franchissement, ça, sans déconner. C'est pas crédible, une seconde. Mais les séries, j'adore. Ben oui, ben oui. Et qu'est-ce qu'elle change? Ben, je sais pas, moi, genre, attends, je vais un truc impensable. Genre, ben alors, beaucoup plus d'heures au travail, tu vois? Tout le 20e siècle, là, on diminue. Ben non, dans la série d'anticipation, beaucoup plus d'heures au travail. Genre, ben, 46 heures dans la semaine, ouais! Ah non, mais c'est énorme, je sais, mais oublie pas, hein, c'est de l'anticipation. C'est on pourrait gros, même aller jusqu'à 60 heures dans la semaine. Qu'est-ce qu'on nous va foutre, de toute façon? Non, mais c'est du lourd. Mais tu sais, une série, faut que ce soit spectaculaire, genre Breaking Bad, mais alors Bad de chez Bad, et puis Breaking à fond Breaking, hein. Je vois bien, tu rigoles, tu te dis, Hippolyte, non seulement je te prendrai pas comme scénariste, mais en plus, tu vas perdre ton petit boulot de chroniqueur, là. Oui, oui, oui. Bah écoute, si je perds mon petit boulot de chroniqueur, j'en prendrai un autre, hein, mais c'est précaire. Regarde Hollande. T'es pas au courant, mais l'autre jour, François Hollande, avant de partir faire le tour du monde, là, il avait trouvé un petit boulot peinard, tranquille, impeccable. Répondre au téléphone. Franchement. Parce qu'à France Inter, c'est un petit boulot, ça s'appelle le téléphone sonne, ça fait des années que ça dure, mais c'est mieux que rien à notre époque, répondre au téléphone. Bon, eh bien, pour des raisons, justement, de modernisation, de crédit d'impôt, de défiscalisation, tu vois, on a délocalisé vendredi le téléphone sonne à Bruxelles. Chez toi. Incroyable. Ah ben, Hollande, il s'est pas dérobé, comme il a dit, hein. Non, je ne me déroberai pas. Il a répondu, allô, c'est le président, je vous écoute. Personne croyait que c'était lui, je t'explique, personne croyait. Mais t'inquiète pas, j'ai compris ton message, c'est beau. Trépalium, c'est très bien réalisé, j'adore la coiffure de Ronnie Tecabet. Et on sait bien que trépalium, c'est un des noms latins pour travail, et ça vient du mot trépaliare, qui signifie contraindre, et ça désignait un enclos pour coincer les chevaux rétifs quand on les ferrait. Voilà, c'est ça. C'est intéressant, l'étymologie. Tu vois, par exemple, travail en allemand, ça se dit Arbeit. Et ça vient du proto-slave, robou. Robou, ça veut dire enfant. Par extension, petit, soumis, esclave. Mais on connaît très bien ce mot, hélas, Arbeit. Il était écrit sur une inscription en fer forgé, et cette inscription disait « Arbeit, macht, frei ». Le travail rend libre. Musique dramatique. La chute nous fait tomber de haut dans la chronique d'Hippolyte Girardot. Merci Hippolyte. Moi je suis comme ça. Bravo. Nous sommes en compagnie de Vincent Lanoux, réalisateur de la série Trépalium de Sophiette et Antares Bassis, qui est disponible en DVD. Vous avez pu la voir sur Arte. On va en reparler un petit peu avec une histoire de mur avec Juliette Arnoux. Vous êtes sur France Inter dans Annule tout. On est ensemble jusqu'à 18h. L'amour, si je peux. les berges. Et là, il est 17h38 sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Vincent Lanoux, le réalisateur de Trépalium. Et autour de la table, Alex. Vous êtes incorrigible parce que de haut en belge, c'est haut. Oui. J'ai dit quoi? Lanoux. Bah, ouais. C'est Victor Lanoux. Ici, c'est Vincent Lanoux. Voilà. Et nous avons autour de la table Juliette Arnoux et Hippolyte Girardot. Mais tous ces Belges avec des noms compliqués. Et oui, Girardot. Je me disais bien, c'est pas lui la brocante. Et Guillaume Meurice, c'est votre tour, mon petit camarade. Il paraît que Madame Lanoux aime beaucoup vos chroniques, alors soyez bon parce qu'elle va écouter. Ça fout la pression du coup. Je vais vous parler d'insécurité aujourd'hui. Après Mamie Platane la semaine passée qui violentait les pauvres barrières sans défense, c'est aujourd'hui des caissières du supermarché Casino de Port-Saint-Louis-du-Rhône en région PACA qui sont soupçonnées de pillage. C'est compliqué en France en ce moment. Hein. Ça devient plus sûr de confier un lingot d'or à Bernard Tapie, son opération du cœur ouvert au docteur de la joue ou un vase en cristal à Alain Finkielkraut que de se promener dans les rues. Alors que reproche-t-on à ces caissières? Eh bien c'est simple, alors qu'elles étaient en grève pour demander de meilleures conditions de travail, elles se sont vues accusées de vol. Et pas n'importe quel vol. Pour en savoir plus, j'ai appelé une des suspectes, Christine Morbelli. La semaine dernière, on s'est vu convoquer à la gendarmerie pour vol. Vol de M&M's, de chips et de Kinder. Ah, donc vous avez volé des M&M's, des chips et des Kinder. On aurait volé, parce que évidemment on n'a pas volé du tout, mais ce que cherche la direction, c'est un exemple à ne pas suivre pour les autres casinos. Bon, est-ce que vous aimez les chips quand même? On aime les chips, on aime des yaourts, on aime enfin, tout ce qui se mange. Ah, vous auriez volé des yaourts aussi alors? Non, pas du tout. Ouais, ça sent l'aveu inconscient quand même. L'affaire pourrait donc être plus grave que prévu avec un vol de panier de Yoplait à la cerise. Tout ça prend des proportions dramatiques. En tout cas, une plainte a bel et bien été déposée pour les chips, les M&M's et les Kinder. Mais le groupe Casino nie avoir déposé plainte. Alors, qui? La question se pose. Est-ce qu'on serait pas simplement face à une immense manipulation parfaitement manigancée pour qu'à terme, les caissières prennent le contrôle du monde et imposent leurs lois? Hein, on connaît la perfidie de ces gens-là. Alex, est-ce qu'on vous a jamais proposé une carte de fidélité à la caisse? Mais si. Bah voilà, parler de fidélité à Alex Vizorek. Quelle provocation! Hein, pourquoi pas parler d'esprit de synthèse à Hippolyte Girardot? Non mais attendez, on est où? Bon, en attendant, Christine Morbelli nie en bloc. C'est pas nous qui allons tout bêtement à la gendarmerie se faire auditionner. Ah, peut-être que vous aimez ça, vous faire auditionner par les gendarmes? Oui, voilà, à part ça, oui, peut-être, je sais pas. C'est le prestige de l'uniforme aussi. Pour mettre les choses à leur place, il faut arrêter. Oulala, énervement typique d'une personne qui a une mauvaise alimentation. Elle se garderait de chips, de M&M's et de Kinder, que ça m'étonnerait pas du tout. Alors, est-ce que c'est vraiment des dangereuses femmes, Christine et ses collègues? On est loin d'être dangereuses. On n'est que des femmes en plus. Hein. Ah oui, mais il y a des femmes qui sont dangereuses, attention. Hein. Oui, si vous voulez. Bon, il n'y a pas de risque si on vient chez vous au casino absolument de se faire dépouiller? Pas. Absolument pas, vous pouvez venir quand vous voulez. Ouais. Vous verrez. Ouais. Bon, vous comprenez que nous sommes une émission de service public. Je ne peux pas laisser entendre sur cette antenne que nos auditeurs peuvent se rendre au casino de Port-Saint-Louis-du-Rhône si c'est pour se faire dépouiller à la sortie. J'ai donc appelé directement le fameux casino pour en savoir plus. Alors, est-ce qu'il y a un risque? Non, il y a eu un problème il n'y a rien de souci. Moi, le magasin est ouvert. Hein. Ah oui, il y a eu un problème, vous avez dit quand même. Monsieur, le magasin est ouvert. D'accord, il n'y a pas de risque. Vous me garantissez qu'il n'y a pas de risque? Le risque de quoi? De se faire voler, tout simplement. Ah non, il n'y a pas de risque, monsieur. D'accord. Le magasin est ouvert, j'ai des gens qui viennent faire leurs courses, on les encaisse en caisse sans aucun souci, monsieur. D'accord, donc il y a les caissières qui sont là quand même, ouais. Oui. Et c'est les mêmes qui ont volé des choses ou pas? Si vous voulez me poser des questions ou m'interroger, vous le dites directement, je vous dis que je n'ai rien à dire. Voilà, donc aucun souci, hein, je vous encourage à appeler le casino de Port-Saint-Louis-du-Rhône, poser des questions, il n'hésitera pas à vous dire qu'il n'a rien à dire. En tout cas, vous pouvez aller faire vos courses tranquilles. Alors si toutefois il reste des choses à acheter, parce que je vous rappelle que ce magasin a été pillé par des kleptomanes boulimiques. D'où ma question. Est-ce qu'il reste des M&M's, c'est des chips ou elles ont vraiment... Je vous dis bonne journée, monsieur. Ah non, attendez, vous m'avez pas répondu. Est-ce qu'il en reste? Passez une bonne journée, monsieur. Vous m'avez pas répondu. Passez une bonne journée, monsieur. Au revoir. Ah, non, alors ça, je suis désolé, mais c'est pas sympa. Moi, je prends la défense du supermarché et voilà comment on me remercie. Bon, en même temps, il faut le comprendre. Hein, il a du boulot. Hein, il doit aller surveiller si son personnel n'est pas en train de dépouiller un paquet de Chocapic ou d'éventrer une boîte de miel Pops. C'est galère. Non, mais c'est galère de bosser dans le Far West. Il a bien du mérite, ce brave homme. Mais bon. Moi, j'avais quand même une dernière question à lui poser. Alors bon, je l'ai rappelé, quoi. Bonjour. Oui, rebonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous venez de me raccrocher au nez, alors c'est pour ça, je vous rappelle. Je vous ai dit au revoir gentiment, monsieur. Donc, si vous avez une question bien précise à me poser... Ok, alors j'ai une question bien précise. Est-ce que, du coup, vous allez embaucher? C'est une question qui ne vous regarde pas, ok? D'accord, mais je peux pas vous déposer un CV quand même? Ah, si vous voulez me déposer un CV, ça ne pose aucun problème, monsieur. Parce que moi, en plus, je mange pas de Kinder à cause de l'huile de palme. Monsieur, monsieur. Bon, ok, merci, monsieur. Bonne journée, au revoir. Ah, c'est dommage. Parce qu'avec des gérants sympathiques, des pauvres qui se font plumer et des pratiques d'intimidation mafieuse, je vais vraiment finir par croire que l'enseigne Casino porte bien son nom. Guillaume Meurice, dans toute sa splendeur. Merci, Guillaume. Si vous êtes un syndicat, vous avez besoin d'un coup de main. Guillaume Meurice récupère tous les dossiers. Et Guillaume Meurice, la voix de la CGT, bien sûr. J'ai fait les barrières, les Kinder. On vous a pas vu venir, bien sûr. Allez, on est avec Vincent Lanneau, le réalisateur de la série Trépalium. Et on va aborder avec vous le deuxième sujet. C'est François Hollande qui a entamé hier son plus long périple du quinquennat, hein, 45 000 km en 5 jours. Il est parti aux antipodes, car là-bas, loin, dans le Pacifique, c'est aussi la France. C'est Tahiti, c'est Wallis et Futuna. Flying François, passion aviation, mais pas que. J'ai pris ma moto, je l'ai mis sur mon dos et je suis parti pour Tahiti. Je te crois pas, si t'as été à Tahiti, t'as pas pu y aller en moto. Si t'as été à Tahiti, t'as pas pu y aller en vélo, non. J'ai pris mon dada, vas-y mon petit gars, et je suis parti. Livrer des croissants, c'est Albert de Paname. Voilà, François Hollande continue de sillonner l'Empire. Et il aura visité toutes les terres. Les premiers, promesses de campagne. Où fait-il de l'Empire, monsieur? À l'exception des îles Kerguelen, toutefois, parce qu'il là-bas, il n'y a que des mouettes. Et c'est pas demain que les mouettes auront le droit de vote. Donc c'est pas demain qu'il y aura un président. Ces terres australes ou polynésiennes, ces bouts de France autour du monde. Vincent Lanneau, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, quand vous voyez la France? C'est fou, ces frontières qui s'étendent, mais de façon élastique. Je sais pas comment on explique ça aux Turcs pour l'Europe, qui ne veut pas rentrer dedans. Non, c'est vrai que c'est exceptionnel. On n'a pas ça, nous, en Belgique. On a eu le Congo. Ouais, on a eu le Congo. Beaucoup plus grand que nous. Mais c'est pas de notre faute si vous n'avez pas été foutus de le garder. Quand même pas, je vais engueuler. Ça fait pas l'horizon. Il y a un côté fascinant, hors du temps, c'est intéressant, c'est ridicule. C'est incroyable. Et puis de se dire. Non, c'est incroyable de faire le tour du monde comme ça, tout en restant normal, finalement, dans son pays, quoi. Oui, c'est ça. Est-ce que vous trouvez que ça participe de la grandeur de la France? Pour quelqu'un qui ne vit pas en France, qui n'est pas français, de se dire que la France, ça s'étend de la Polynésie aux terres australes, Kerguelen. Ah bah, écoutez, je sais pas. J'ose pas dire non. C'est encore des colonies. Je sais pas comment c'est considéré. Je sais pas, moi. Par exemple, la Polynésie, on est en Polynésie, on est au-delà de la carte postale. François Hollande, il va aussi bosser pour le dossier des indemnisations suite aux essais nucléaires. Donc l'idée, c'est qu'il y a des territoires qui sont quand même dans l'angle mort, mais qui font partie de la France, dans lesquels on fait n'importe quoi un petit peu. Ah oui, mais ça c'est bien, mais il devrait prendre un peu d'avance. Il faudrait déjà les indemniser pour le prochain. Pour les prochains essais. J'allais vous demander, par exemple, si on imagine un trépalium d'une ville ou d'un empire qui a des territoires partout comme ça, ça c'est moins jouable, puisque chez vous, il est question d'un mur qui sépare la zone des nantis. Ah oui, alors ce qui est drôle dans le trépalium, c'est que l'idée, c'est que le travail se trouve dans le sud. Ils n'arrêtent pas tous de dire « je veux partir dans le sud », c'est dans le sud qu'il y a de l'espoir. Parce que la misère est moins pénible au soleil. Voilà. Oui. Oh. Oui, et puis non, il y avait cette idée que justement le sud était un endroit mystérieux et comme, qui est un petit peu l'inverse de ce qu'on imagine nous dans nos pays occidentaux. C'est peut-être ce sud-là qu'il faut se ménager, cette terre française, parce que c'est un ailleurs, Charline, où vous quelque avez chose parfaitement est possible. Raison. Oui, sur les terres françaises, vous voyez très juste là. Je me demande même comment vous êtes au courant de ce plan. Mais c'est surtout secret. Extrêmement complexant. Mais ça vous donne pas envie, vous, que Charles Michel, le premier ministre chez nous, parte à la conquête de certaines. Annexe à Rocher avec trois mouettes, non, l'île de Pâques, tout va bien. La Crimée. Juliette Arnaud, vous aussi, il y a un aspect de la série réalisé par Vincent Lanneau qui vous a inspiré. Ah, qui m'a carrément interloqué. Oui, donc dans Trépalium. Votre série, donc je n'appellerai plus d'anticipation, merci Pauline. La situation a sévèrement périclité, on est gentiment passé de 15% de chômeurs à 80%. Comme c'est un peu embêtant tous ces gens oisifs et misérables et pas super contents de l'être, les têtes pensantes du coin ont trouvé une bien belle solution, le mur. pour séparer le bon grain de l'ivraie. Et puis alors, pas le muret, comme chez ma maman en Ardèche, que même les sangliers, ils l'engendrent de leurs courtes pattes en fermant les yeux et en buvant une bière. Non, immense le mur, quasiment hors proportion, qui te fait te sentir minuscule et fragile et écrasé à l'avance de n'importe quel côté que tu sois, d'ailleurs. Alors d'un côté, les bons, c'est-à-dire les actifs, de l'autre, les inactifs, les sans-valeur, les honnards, les incapables, les mauvaises herbes. Je vous explique pas de quel côté du mur tout le monde veut vivre, hein ? Cette idée du mur, les gars, elle est vieille comme le monde, hein. Le mur pour séparer le bon grain de l'ivraie. Alors ça commence à l'Antiquité avec Troie et ses murailles réputées infranchissables. Sauf qu'évidemment, il y a Ulysse et son éléphant. Le mur de Berlin, bon ben boum, 89, Nicolas Sarkozy, si il y était. Le mur de glace de Game of Thrones pour se protéger des sauvageons, bon ben c'est pareil, hein, ça finit mal. Donc c'est une idée qui est vieille comme le monde et qui est aussi conne que l'humanité quand elle entreprend de faire de son pire et qui est en pleine recrudescence en plus d'être vieille et conne. Hein, la barrière de Ceuta, le mur de Barbelé en Bulgarie, le mur en Israël et le rêve puant de Trump, le mur du Mexique pour se protéger des Mexicains et qui vont payer eux-mêmes. Et là où c'est vraiment stupide, c'est que, enfin quand même, on le fait le mur, non ? On l'a tous fait, les murs ça s'escalade, ça se grimpe, ça se survole, ça se contourne, ça s'atomise même. C'est pas un peu dingue de persister sur une idée qui n'a pas fait ses preuves ? Et puis ça fait un moment en plus qu'on nous chante que les murs c'est dangereux, que c'est une des pires idées de l'humanité. Tous les murs, surtout ceux dans nos tronches, celui qui t'isole et qui fait que chaque trauma est une brique supplémentaire au mur qui t'isole des autres. Floyd, The Wall. Et comme parfois la vie, bah c'est comme un film de Claude Lelouch, c'est gavé de hasards qui sont pas que des coïncidences. Harper Lee vient de mourir, mais elle nous laisse à jamais son Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, qui nous racontait la ségrégation, la lutte d'Atticus Finch, l'avocat, pour défendre un noir soi-disant violeur, mais surtout noir, le mur invisible là, entre les blancs et les noirs. Et puis de toute façon, quand c'est pas la couleur de la peau, c'est la religion. Quand c'est pas la religion, c'est les migrants. Quand c'est pas les migrants, c'est les communistes et puis les autres. Alors tant qu'elle continue à faire de son pire, si jamais c'est mon tour de faire maître du monde, de faire élever un mur, je choisirais comme distinction la taille des seins. D'un côté... Je suis dans le camp de Juliette. Ouais. Je suis avec Juliette, on va se séparer. Je crois. Alors écoute bien, Charlie... Nous, on sera de l'autre côté. Je le choisirais. D'un côté, il y aura les petits, et de l'autre côté du mur, eh ben, les autres. Et évidemment, le bon côté du mur, ce sera celui des petits seins. Et ça occasionnera, comme de bien entendu, une remise à l'honneur de la blague 10 camions pouette-pouette pour le chanking à la frontière. Ou alors, on décide, une bonne fois pour toutes, qu'il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a que des bleus, pas de gentils, pas de méchants, pas de bons grains, putain, pas d'ivraie, et que si on n'est pas convaincu, on se revoit The Wall d'Alan Parker et Trépalium et on médite. Merci, bisous, merci. Je voudrais citer un philosophe qui disait « Combien de murs se cachent derrière un mur qui tombe ?» C'est Patrick Bruel. Ouais, c'est Patrick. Vous l'avez voulu le citer. Et ça, du Patrick Bruel, ouais. Pour finir une chronique de Juliette Arnault, ça fait un petit peu mal. Oui, c'est vrai. C'est comme ça. C'est bien, voilà, c'est un mur. Allez, Vincent Lanneau est avec nous, le réalisateur de Trépalium, justement. Il y a aussi Hippolyte Girardot, Guillaume Meurice, Alex Vizorek, qui donc ne sera pas dans notre camp, si j'ai bien compris. On en sera débarrassé. Il sera avec toutes les candidates de la télé-réalité. Voilà. Ben moi, je serai dans votre camp, hein, vous. Merci, mon petit Guillaume. Non, moi, je serai douanier, moi. Merci. Guillaume Meurice, vous aurez un bon point à la fin de cette émission. Troisième sujet, il paraît que la répartie, ça s'apprend. Alors, nous, on est intéressés dans cette émission par cette question, hein, pour pouvoir progresser. Sachez qu'un ouvrage est sorti sur le sujet. Je vous donne un exemple de répartie, hein, relayé attention. Par Le Parisien aujourd'hui en France. Quand on fait 1m30, on a la colère discrète, monsieur. BAM Ah, prends ça. Michel Audiard, voilà. Rentre chez toi. Nous, on n'a pas écrit de livre, mais on a un conseil de répartie pour les gens qui font 1m30 ou moins. On m'a traité d'abruti. C'est une affaire entre lui et moi, je vous demande de ne pas intervenir. Vous m'avez traité d'abruti ? Oui. Je pratique les arts martiaux, judo, aïkido, karaté. Et la première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne cogne pas, je le regarde et je m'en vais. Eh ben tire-toi alors. Vous avez de la chance. Allez pour les chariots effilés. Vous avez de la chance. Gros connard. Vous avez de la chance. Pédé. Je suis arrivé à un contrôle total. En route. Pardonnez-moi cette démonstration de force, mais j'ai horreur qu'on marche sur les pieds. Un extrait de, vous avez reconnu Vincent Lano, du Grand Blond, du Grand Blond. De la Chèvre. Voilà, donc on sent que c'est les vacances pour la presse à Paris. Le Parisien aujourd'hui en France nous fait une page sur la répartie, ça s'apprend, et un ouvrage. Et alors nous on le relaye, hein, parce que on est intéressés. Même nos confrères de France Info ont fait un sujet, donc on s'est dit on va y aller. Peut-être bien que ça fera l'objet d'une chronique aussi. Ouais, mais oui, c'est vrai. Un livre qui s'intitule « Et si je répondais du tac au tac », où on apprend que par exemple, il faut adopter une respiration abdominale pour une bonne répartie. Je ne sais pas si vous étiez rendu compte de ça avant. Il respire. Alors d'abord, Vincent Lano, est-ce que il vous arrive parfois de vous en vouloir d'avoir manqué de répartie? Il semblerait que ce soit un sentiment assez commun, assez universel, zut. Le pire, c'est quand on a manqué de répartie, qu'on rentre chez soi, qu'on est dans la bagnole et qu'on se dit merde, j'aurais dû répondre ça. Et, oui. Et comment ça s'appelle ça? L'esprit d'escalier. Ah, bravo. Allez, on continue. Pourquoi? C'est ça la répartie. Parce que tu te fais claquer au sixième étage, tu descends, t'es en bas, et tu dis putain, c'est ça que j'aurais dû dire. C'est dans l'escalier que ça t'est venu. Tu remontes pas les six étages. Bah voilà, on ça choses. Je sais pas si ça, c'est dans très parisien. C'est déjà plus intéressant. Est-ce que ça vous paraît être un atout majeur dans le quotidien, la répartie? Est-ce que vous êtes particulièrement séduit dans le travail ou la vie quotidienne par quelqu'un qui vous répond du tac au tac, comme le préconise le bouquin? C'est une très bonne répartie. Ouais. Alors, il y a une des bonnes réparties qui est citée par le livre, c'est ou pas. Et ça marche avec tout. Donc, quand on vous pose une question, vous répondez ou pas. Ce qu'on trouve ridicule, que nous on trouve la mauvaise répartie, mais on l'a cité dans les bonnes. Mais oui. Alors, il y a notamment, c'est coécrit par un coach en management. Ou pas. Voilà. Il propose des conseils. Alors, ça semble faire partie d'une forme de littérature du bien-être, comme ça, où il conseille de d'abord tester les réparties sur la page Facebook. Est-ce qu'il y a une règle pratiquée? C'est-à-dire tester pour vous mettre en confiance. Tu veux frôler la perfection, reste à côté de moi. Oui. C'est pas possible. Guillaume Meurice, vous avez le bouquin? Oui, non, j'ai l'article du Parisien aujourd'hui en France, je vous le file. Cet homme, hein, si vous, voilà. Moi, ça m'arrive tout le temps, l'esprit de l'escalier. À chaque fois que je rentre de reportage, je me dis pourquoi j'ai pas dit ça, pourquoi j'ai pas répondu ça, ça m'énerve. Ça vous arrive? Tout le temps. Dis donc, si vous arrive à vous, on est foutus, nous. Non, c'est vrai, mais je crois que ça arrive à tout le monde, du coup. Ouais. Alors, vous avez débattu avec des collègues de France Info ce midi? On ne peut pas vraiment dire débattu. J'ai discuté un peu. Oui. Bah, alors, on lui a posé une question à ce brave homme. C'était le co-auteur. Oui. Qui a le plus de répartie en ce moment? Il a répondu Cyril Hanouna. Je trouvais que c'était une répartie rigolote déjà. Oui, c'est vrai, ça se travaille. Hippolyte Girardot, vous qui avez extrêmement de répartie aussi. C'est de l'inné ou de l'acquis? Non, mais ce que je veux dire, c'est que la répartie sur Facebook, c'est de la blague. La répartie, c'est orale, ouais, évidemment. Oui. C'est une joute orale. Oui. Il faut avoir la capacité de réagir au bon moment, maintenant, etc. Mais la thèse de l'auteur, c'est que ça se travaille et que donc vous pouvez en préparer, en mettre sous le coude et puis paf, les sortir comme ça au bon moment. Non, c'est sur l'instant, c'est sur le moment. Ça peut passer par n'importe quoi. Dis donc, Girardot, quand on fait 1m30, là, ça marche pas. Allez, si on partait dans la répartie travaillée, qui est aussi cette répartie, tout est écrit, Vincent Lano, vous connaissez l'émission. À la fin, l'exercice, c'est l'exercice du sketch. Aujourd'hui, on a fait de l'anticipation inverse. C'est la gauche qui est au pouvoir. Mélenchon a dit beaucoup de bien de Poutine et Poutine lui a passé un petit coup de main. C'est Mélenchon, président de la République dans quelques années. C'est donc vous. Son assistante, c'est Charline Vanhoenacker. Et on fait un petit bilan. On se rend tout de suite dans quelques années. Monsieur le Président. Camarade Président, vous allez finir au goulag. Mais on n'a pas de goulag en France. Non, c'est pire, on a la Creuse. Pardon, camarade président, vos ministres sont là. Lesquels? Le ministre du stakhanovisme et le ministre de la propagande culturelle. Faites entrer Pierre Cataz et Kali. Oui, alors camarade Gattaz... Ah, ne m'appelez pas comme ça, ça me fait mal. Camarade Gattaz... Où en est-on, question chômage? Il est parfaitement sous contrôle depuis que vous avez envoyé les intellectuels travailler dans les champs, c'est bon. Il y a juste Finkielkraut qui se plaint que les moissons, c'est fatigant quand même. Dites-lui d'arrêter de couper le blé avec son épée d'académicien. Très bien. Très bien. Les relations patron-travailleur? Au beau fixe, hein. C'était vraiment une bonne idée de nommer ce syndicaliste d'Air France à la tête du MEDEF. Merci beaucoup. À la culture, vous avez contacté Taubira? Ah oui, pour le secrétariat d'État des discours interminables improvisés. Elle a accepté? Alors on attend qu'elle termine son discours d'hommage pour les 25 ans du décès d'Arnaud Montebourg, tombant d'une armoire Habitat pendant qu'il faisait un discours révolutionnaire. Oui, étonnamment, elle était mal visée. Ah, c'était vous? Silence, il n'est pas là, mon ministre de l'économie. Non, monsieur Beauvais est excusé, il est en train de brûler le dernier McDonald's de France. Et la situation en Méditerranée, C'est sous contrôle ? Oui, parfaitement. Le yacht de Monsieur Bolloré continue d'aller chercher des migrants et on leur apprend le russe pendant la traversée. Ok. Comment est mon agenda ce week-end ? Alors, samedi, vous avez une interview, on n'est pas couché, pendant 4 heures, comme chaque samedi. Ah, ça a du bon d'être le président, quand même. Hein. Oh, vous savez, j'étais déjà une semaine sur deux avant d'être président. très bon. Et sinon, pour la fête nationale, des préparatifs avancent ? Ah, on a le temps, c'est le 19 août, hein, le jour de votre anniversaire. Oui, je sais. La chanson ? Elle avance, camarade Cali. Ah oui, je l'ai. C'est maintenant le bonheur. C'est maintenant le bonheur. Très bien. Allez, dernière question. Comment se porte l'opposition ? La quoi ? Vincent Lanneau était Jean-Luc Mélenchon, président dans... Voilà, c'est de l'anticipation. Vincent Lanneau, merci d'avoir passé cette heure avec nous. Le réalisateur de la série Trépalium, qui est désormais disponible en DVD et puis en vidéo à la demande sur Arte. Merci beaucoup à Hippolyte Girardot, Juliette Arnaud, Guillaume Meurice, Alex Vizorek. Demain, on reçoit Vianney. Et puis, il était où ? Hein ? Il était où ? Vous allez la faire demain souvent ? Je pense qu'on peut estimer qu'elle est faite. Allez, le mot de la fin aux habitants de Wallis, de Futuna, qui ont accueilli chaleureusement le président de la République. François, pense à nous, hein, parce que là, on est dans la merde. J'ai bien compris. Hein.